prêtez-tu dans boîte? Je crois entendre Allah Akbar. Allah Akbar. Ça veut dire quoi ça? Dieu est grand. C'est un cri que les combattants musulmans lancent quand ils se battent. Là, c'est pas unique à la Syrie. C'est assez universel dans le monde musulman. Allah, qu'est-ce qu'il dit en haut quand il voit ça? Je suis pas branché sur lui. Je pense qu'il y a juste un Dieu. Je crois à ça, mais je crois qu'il y en a juste un, par exemple. Oui, moi aussi. Je crois pas qu'il y en a. S'il y en a un, il y en a juste un, d'après moi. Il dit quoi? Il dit maudit qu'ils sont bons, eux autres, tirent la carabine, mais les Québécois, son nom, ben, poche, ils tirent moins de carabines, ouais. Sont moins... Il est peut-être comme un fan sportif, là, tu sais, que ouais. C'est fagnon. Let's go, les gars, let's go! C'est ça. J'ai pas de commentaire théologique à faire à matin. Je vais te parler du conflit syrien qui est très intense en ce moment. C'est la crise mondiale actuellement. Tu nous fais un Syrie sans un. Ouais. Mais d'abord, c'est un pays qui est super stratégique au Moyen-Orient. Syria for dummies. C'est un pays qui est stratégique, qui est dans, collé sur Israël, pas loin de l'Irak, bon. C'est loin de Ogunquit, ça. demande, madame. Mais le conflit, bon, qui a commencé dans le temps du printemps arabe, il y a un an et demi, dégénère, s'enlise. Est-ce qu'il y a un lien entre, on dit que printemps arabe, moi, je pense que c'est une expression qui est un peu galvaudée parce que chaque pays avait son histoire. Sa crise et son histoire. Mm-hmm. La Tunisie, entre autres, c'était pas la Libye. La Libye, c'était pas la Syrie. Est-ce qu'on peut faire des amalgames comme ça? Non. Ou c'est vraiment, je pense pas. La Syrie, c'est un régime extrêmement répressif, une dictature, ouais. une caserne militaire, le pays hyper militarisé. Puis c'est le grand adversaire d'Israël. Hein. Ils touchent à Israël. Ils ont participé aux trois guerres arabes contre Israël. Ils sont alliés de l'Iran. Il y a un axe Iran, Syrie, Hezbollah. Ça, c'est l'axe qui veut la mort d'Israël. Ça. Et c'est ce régime-là qui est en train de tomber. Puis ça peut avoir des répercussions, je pense, sur ce qui va arriver entre Israël puis l'Iran. Parce que ce régime-là, le pays, là, il est à feu et à sang. Le régime syrien contrôle plus grand-chose dans le pays. Ça veut pas dire que les opposants contrôlent. Il y a personne qui a le contrôle du pays. Les grandes villes sont occupées. On parle de 200 à 300 morts par jour, là. L'armée tue ses propres citoyens. Il faut dire que l'armée est contrôlée par la minorité du haut pouvoir, qui est une espèce de secte particulière qu'on appelle les Alaouites. Je voulais pas dire le mot, mais je l'ai dit. Tu l'as dit. Hein? Et ça ça fait en sorte qu'eux autres, là, c'est à la vie à la mort. Normalement, dans une guerre civile normale, les insurgés, ça serait fini. Les insurgés auraient gagné. Il y a quelqu'un qui met le genou à terre, mais là, personne ne met le genou à terre. Mais là, c'est une lutte à mort parce qu'ils savent que s'ils perdent le pouvoir, ils risquent de se faire massacrer. Et le pouvoir me semble affaibli. Il me semble y avoir de l'espoir du côté des opposants. Il y a eu des défections majeures. Des généraux, des ministres qui ont fait des défections, milliers de soldats. Entre autres, en Turquie. Oui. Qui ont fait des... Donc, moi, je me dis, ce régime-là, à un moment donné, va plier. D'après moi, il est foutu. Il n'y a pas d'espoir. Le problème, c'est qu'à cause des divisions ethniques puis religieuses, ça va être le chaos. Ça va être pire qu'en Libye. Il y a des Kurdes, il y a des chrétiens. Enfin, c'est un melting pot de différents groupes religieux, de différents clans, qui sont enracinés dans les pays autour. Je vais donner un exemple. Les Kurdes, il y a 10% de Kurdes. Ça, c'est des musulmans, mais ils sont d'une ethnie différente, puis ils parlent une langue différente. Ils parlent pas l'arabe. Bon. Eux autres viennent de la Turquie. Ils viennent des environs de la Turquie, de l'Irak. Ils sont un peu disséminés sur 4 pays. Eux autres, ils étaient opprimés par le régime. Bon. Ils étaient plutôt défavorables. Mais là, le régime syrien, pour se venger des Turcs, parce que les Turcs laissent passer les réfugiés, puis les armes, puis tout, pour se venger des Turcs, ils sont mis à aider les Kurdes en Turquie qui sont en rébellion aux autres depuis 25-30 ans. Fait que là, la guerre... Turquie s'en joue le vert. L'insurrection en Turquie a recommencé depuis 6 mois. Il y a eu la guerre civile au Liban qui a duré des dizaines d'années. Il y a des événements qui risquent de la repartir parce que là, le Liban est divisé aussi en groupes qui sont en train de se tapocher dessus en Syrie. Fait que là, ils ont commencé à se tapocher dessus au Liban dans les grandes villes. C'est des escarmouches. Mais il y a le potentiel que le Liban aussi soit déstabilisé. Fait que tu vois que c'est toute la région. Il y a des chiites irakiens Et là, en plus, tu me parles même pas de l'Égypte, parce que c'est pas ton sujet, mais tu as l'Égypte également. Avec le changement de régime, le Sinaï, en fait, le régime égyptien a dit de manière assez claire que les accords de paix avec Israël pourrait déchirer ça, mettre ça à poubelle. Ben, pour moi, te donner une idée. Ça regarde pas bien, là. Pour faire un lien avec ça, puis donner une idée de la brutalité de ce pas dans le champ en disant ça. Non, pas du tout. Regarde, la première insurrection qu'il y a eu contre le régime syrien, c'était à la fin des années 70, début 80. Ça a été réprimé dans le sang. Près de 30 000 morts. C'était un mouvement des frères musulmans. Donc, les frères musulmans sont encore présents. Je pense qu'ils sont plus modérés maintenant qu'ils l'étaient. Mais là, Al-Qaïda est dans le décor. Al-Qaïda, il y a un bras d'Al-Qaïda qui s'appelle Al-Nusra, qui fait des attentats à la bombe à chaque semaine là en Syrie. Puis au début, ils ont été stratégiques, s'attaquaient à des... Contre qui? Ben, au début, ils attaquaient le régime, des stations de police, des baraques d'officiers. Ils ont réussi même à tuer un ministre, puis je pense même le beau-frère du président. Mais est-ce qu'ils visent Al-Assad? Au début, ils visaient Al-Assad, ils ont tué, je pense, son beau-frère cet été dans un attentat. Sauf que plus ça va, plus les attentats visent des civils chiites. Ça devient beaucoup plus sectaire et religieux parce qu'Al-Qaïda est financé par des sunnites. La différence entre chiites et sunnites, là, c'est comme entre catholiques et protestants, sauf que de l'extérieur, c'est la même affaire pour nous autres, mais entre eux autres, ils n'ont pas l'air de se comprendre que c'est la même affaire ou à peu près. Fait que là, ils ont visé la semaine passée une boulangerie. Hier, ils ont attaqué un lieu de culte chiite. Ils ont tué des civils, une dizaine de civils plus une vingtaine de morts. Fait que là, c'est une guerre civile, mais c'est un djihad, c'est une guerre de religion. C'est toutes sortes de guerres ensemble avec des gens qui ont des objectifs différents. Il y a des gens qui veulent juste remplacer le président, mais il y en a qui veulent éradiquer la minorité alaouite au pouvoir en ce moment. Il y en a qui veulent établir la charia, puis un système islamique. Il y en a qui sont en guerre contre les États-Unis. Il y a des gens qui disent que là, ce qui se passe en Syrie, ça va se terminer le jour où l'Europe sera musulmane, puis que la Maison-Blanche aura un drapeau islamique sur le top. Mais est-ce que les Américains ont de l'influence? Quelles sont les influences étrangères? Donc, la France, la Grande-Bretagne. Les États-Unis officiellement apportent de l'aide non militaire. Humanitaire. C'est pas du couèque aux fraises, là. Mais, C'est quoi? C'est des armes? C'est quoi? C'est des médicaments, des couvertures, peut-être des tentes pour les réfugiés. Officiellement. Via la Croix-Rouge et les ONG. Mais là, les Russes les accusent d'amener des armes, entre autres des missiles solaires pour descendre les avions. Parce que les Russes, eux autres, sont du bord du régime. C'est leur meilleur allié dans la région. C'est leur seul accès à un port en Méditerranée. Fait que les Russes, depuis le début, ils supportent. C'est l'essentiel des fournitures militaires du régime viennent de la Russie. Mais ça, c'est bizarre parce que la Russie est pas musulmane. La Russie, je comprends pas c'est quoi les affinités. C'est stratégique. Pendant la guerre froide, écoute, au nord de la Syrie, t'as la Turquie. Ouais, mais la guerre froide, Fred, c'est fini. Ouais, mais ça crée des liens. Comme je te dis, dans la Méditerranée, leur seule port d'attache de la flotte russe, c'est en Syrie. Si la Syrie change de bord, ils ont plus d'accès à des ports. Non, je comprends. Avant, je pensais qu'il y avait la Libye, mais là, la Libye est tombée. Sinon, c'est la mer du Nord, puis c'est dans le Nord, là, la Russie. Exactement. Ouais. Fait que les Russes sont dans le décor. Les Américains, diplomatiquement, Hillary Clinton, elle essaie d'organiser une opposition, elle essaie de mettre en place un régime favorable, mais ça va être difficile. Avec le CIA. Ça va être difficile parce que ceux qui envoient des armes de manière claire et précise, c'est le Qatar, c'est l'Arabie Saoudite, puis ils arment prioritairement des groupes islamisés, des groupes qui ont une connotation religieuse. Le Qatar, il faudra que tu fasses un spécial à un moment donné. C'est weird, hein? Le Qatar a énormément d'argent, sont en train d'acheter beaucoup de choses en France. Le Qatar a été ennemi au sein de la francophonie. Oui. Alors qu'il n'y a pas un chat qui parle français au Qatar. Il n'y a pas un chat. Écoute, il n'y en a pas. Mais ils ont tellement besoin de bacon, la francophonie. C'est tellement bourré de gudon. D'après moi, n'importe qui sonne à la porte est accepté. J'ai vu une vidéo tournée par diffusée sur le journal Le Monde, là, où on voyait des insurgés recevoir une paye de 150$ par mois, ce qui dans ce pays-là est quand même pas si mal, là. C'est une base, c'est un peu l'équivalent de notre BSI. Et ils sont capables de donner des salaires aux insurgés, c'est de l'argent du Qatar. Ouais. Et à tel point qu'il y a des groupes qui sont pas très musulmans au sens islamisé, là, radical. Mais là, il y a des insurgés modérés qui se font pousser des barbes pour avoir l'air d'islamistes en disant on a plus de chances de se faire donner de l'aide extérieure si on a l'air d'être des fous de Dieu, appelons-le comme ça. Oui. À tel point que les Américains, demain matin, si c'est un problème de certains pays qui veulent alimenter la rébellion, ils savent pas à qui ils donnent. Je donne ça à un groupe modéré. Je suis en train de donner à un groupe modéré ou je suis en train de donner de l'argent à une branche de Al-Qaïda. Tu sais plus qui est qui dans ce pays-là. C'est un bordel. Moi, je m'attends à ce que ça, le conflit perdure après la chute du régime. Le régime va tomber, mais il y a fort potentiel que ça devienne une république islamique, cette affaire-là. Mais est-ce qu'il y a eu dans cette région du monde-là, de toute façon, des grandes périodes de paix? Non, parce que c'est un carrefour. C'est tellement stratégique. C'est tellement au carrefour de plein de pays puis de plein de populations. Tu sais, j'ai pas parlé, mais il y a quasiment un million de réfugiés palestiniens dans le pays, tu sais, qui ont des intérêts X. Puis t'as des réfugiés irakiens dans le pays qui sont encore là, qui ont des intérêts Y. C'est un cafouillis, mais ça attendez-vous, le Moyen-Orient, on est dans une période très chaude. Moi, c'est l'Égypte qui m'inquiète. Beaucoup. C'est l'Égypte? Oui, par rapport à Israël. Je pense qu'il y a plus de potentiel en Syrie. Il va y avoir plus de radicalistes. Surtout que là, t'as un pays qui est armé jusqu'aux dents. T'as un pays qui est armé jusqu'aux dents. Écoute, les insurgés sont rentrés dans un quartier kurde. Israël est très nerveux, là. C'est pas pour rien. Ben non. Non, puis je pense qu'ils se préparent à passer à l'action, là. Encerclés d'ennemis, là. Les élections anticipées, là, les élections en Israël auraient dû avoir lieu au printemps prochain. Netanyahou a ramené ça sans raison valable. Il a ramené ça en décembre. Je pense qu'il va avoir un mandat clair pour passer à l'action début 2013, hein. Quand il y aura un nouveau président en place, il veut pas couiner les Américains pendant leur présidentielle. Avant de te laisser partir, je veux absolument te questionner sur ton feeling sur l'élection de la semaine prochaine aux États-Unis. Moi, j'ai vu hier l'accolade entre Obama et Chris Christie. Chris Christie qui l'a vanté. Ça semble mettre plusieurs républicains mal à l'aise. Mais regarde, Obama a quand même mis sa campagne de côté pour s'occuper de ce qui se passait. Mais bravo. Ouais. Mais Chris Christie fait sa job. Il a fait sa job. Chris Christie fait sa job. C'est sa job de bien s'entendre avec le pouvoir fédéral. Okay, mais ma question est la suivante. Ouais. Est-ce que Sandy a donné le pouvoir à Obama? Est-ce qu'Obama vient de gagner ses élections? Moi, je pense que non. Je pense que non, parce que c'est t'en avances au Michigan, t'en avances oui, mais je pense pas que c'est à cause de Cindy. Cindy, essentiellement, c'est dans une zone qui était déjà gagnée aux démocrates. Non, je parle pas de la géographie. Mais tu parles de... Il a l'air plus présidentiel. Oui, exactement. La prestance... Mais il a l'air de leader, je m'excuse, mais il a agi en leader. Il a agi en leader, ouais. Il était présent, il a suspendu sa campagne. Non. Ça porte pas prise à des critiques dans le camp républicain. Et ça a semblé rassurer. C'est l'impression qui se dégage. C'est fort possible. Ça semblait rassurer plusieurs Américains. C'est fort possible. Mais une chose qu'il faut se rappeler. Moi, d'abord, je suis un peu en rupture de confiance avec les sondages, là, dans la dernière année, autant au fédéral canadien qu'en Alberta qu'ici. Mais regardons ce qui s'est passé en 2008 avec la vague Obama. Il a gagné juste avec 53%. Puis cette année, le problème d'Obama, c'est les projections de taux de participation. Il y a un fort pourcentage, c'est autour de 20% de ceux qui ont voté pour Obama en 2008 qui sont pas sûrs d'aller voter cette année, selon ce que disent certains sondages. Intéressant. Puis ça va être là que ça va jouer, comme c'est souvent là que ça joue. Le vote anticipé très fort, donc imprévisible. C'est ça. Puis c'est comme au Québec, les sondages étaient difficiles à analyser. Les libéraux ont surperformé, mais c'est parce que leur électorat va voter plus. Puis la CAQ a sous-performé, mais c'est parce qu'ils sont plus populaires chez des plus jeunes qui vont moins voter. Okay, très difficile, donc. C'est vrai que c'est moi, difficile. J'ai aucune préconception de qui va gagner l'an prochain. C'est sûr qu'on se reparle la semaine prochaine là-dessus. Oui, c'est certain. C'était déjà dans les cartons. Il y aura un nouveau président. Un petit peu de musique d'ambiance de la Syrie pour terminer. Oui! Allahu Akbar! Il vient de quitter l'immeuble.